Donc, je vais donner un bref exposé à présent à propos de la méthode Satipatthana, c'est-à-dire ce que nous avons pratiqué pendant cette retraite. Satipatthana, c'est une des tâches importantes de la vie. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, afin de savoir si quelque chose est important, il faut examiner ses caractéristiques. Alors, on peut prendre comme exemple, par exemple, respirer de l'air frais, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais pour quelle raison? Alors, première raison, c'est tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas se dispenser de faire, que nous devons faire. Donc, si on respire de l'air frais, on sera en bonne santé. Par contre, si on respire de l'air pollué, on va se sentir mal, et si on est privé d'air, on va mourir. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit faire. La deuxième caractéristique, c'est que c'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous, notamment les choses qui demandent beaucoup d'argent. Mais respirer de l'air, ce n'est pas possible. Et c'est quelque chose aussi qui doit être fait à temps et régulièrement. Si on ne le fait pas, on se sentira mal, et si on cesse de respirer, on mourra très rapidement. La quatrième caractéristique, et la dernière, c'est que respirer de l'air apporte de grands bénéfices. En effet, ça nous apporte la santé, et la santé, à son tour, nous permet de faire toutes les choses que on souhaite accomplir dans la vie. On peut dire que la pratique de la méditation, c'est un peu comme apporter de l'air frais à notre esprit. Si on ne le fait pas, si on omet de le faire, notre esprit respirera de l'air mauvais, vicié. Et donc on ne devrait pas manquer de pratiquer la méditation. Et je pense qu'on peut dire que les personnes qui sont venues ici comprennent que c'est quelque chose d'important, considèrent que la méditation c'est quelque chose d'important, et aussi qu'ils comprennent la deuxième caractéristique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut faire par nous-mêmes. Ce serait bien, bien sûr, que le professeur ou nos parents ou quelqu'un d'autre puisse faire ce travail à notre place, mais ce n'est pas possible et les gens qui viennent ici le comprennent. C'est pour ça, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils viennent faire une retraite. Satipatthana, c'est aussi quelque chose, cette pratique est aussi quelque chose qu'il faut faire dans les temps, c'est-à-dire avant d'être mort. Les gens qui viennent ici, bien sûr, reconnaissent ce fait. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et donc, il faut continuer à pratiquer, entretenir les bénéfices de la pratique pendant la vie quotidienne. Donc, il ne faut pas seulement pratiquer quotidiennement tous les jours la méditation, mais aussi de façon régulière chaque année prévoir une période pour la méditation. Il faut le faire à temps, pas trop tard, c'est-à-dire avant de tomber malade ou d'être mort, et régulièrement. Et cela apporte de grands bénéfices, c'est-à-dire surtout la pureté de l'esprit. La pureté de l'esprit, à son tour, nous permet d'accomplir ce que l'on souhaite dans la vie. Donc toutes ces caractéristiques font de la pratique de Satipatthana l'une des choses les plus importantes dans la vie. Donc les caractéristiques, d'abord qu'on ne peut pas s'en passer, ensuite qu'il faut le faire par nous-mêmes, ensuite qu'il faut le faire à temps, et enfin qu'elle apporte de grands bénéfices. Donc tout comme respirer, chacun, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, que soit sa race, respirer bénéficie à tout le monde, et de la même façon, Satipatthana bénéficie à tout le monde, quelle que soit sa race, sa religion, son genre ou sa nationalité. C'est une chose importante à faire pour tous. Et personne n'y perd en pratiquant. C'est quelque chose qui ne peut que nous bénéficier. Donc je vous encourage tous à continuer à pratiquer chez vous, à la maison, et aussi à venir en retraite, que ce soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle, pratiquer à des journées de méditation par exemple. Alors il y avait des Donc, si quelqu'un veut poser une question, vous pouvez poser une question à présent. Merci. Comment est-ce qu'on peut concrètement pratiquer dans la vie de tous les jours? Tout d'abord, il ne faut pas négliger les préceptes comme on les a pris maintenant. Il faut essayer de prendre les préceptes tous les jours, d'observer les préceptes moraux, parce que c'est la base de la pratique, c'est le fondement de la pratique, c'est ce qui donnera une stabilité à l'esprit. Si on les transgresse, il faut le savoir et s'engager à observer de nouveau les préceptes, donc reprendre les préceptes. Ensuite, si vous avez appris la méthode de méditation, il faut chez vous trouver un endroit tranquille, à l'abri, à l'écart, où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez pratiquer par exemple 1 heure quotidiennement. Mais bon, il faut voir évidemment le temps dont vous disposez. Si ce n'est pas possible de méditer 1 heure, vous pouvez simplement prévoir 10 minutes, 15 minutes et le faire sur une base régulière. Vous pouvez aussi pratiquer la marche avant de vous asseoir, pratiquer un peu la méditation en marche, et aussi pratiquer la méditation de l'amour bienveillant tous les jours, en rayonnant l'amour bienveillant d'abord vers vous-même, ensuite vers vos parents, votre famille, vos amis, et finalement envers tous les êtres. Et la pratique de l'amour bienveillant va nous aider à vivre dans le monde sans difficulté. Oh, ok. Puis-je être en bonne santé, heureux et en paix? Puis-je être heureux et en paix? Puis-je être en bonne santé, heureux et en paix? Ok. Donc ça c'est pour nous-mêmes. Maintenant, on va rayonner l'amour bienveillant pour nos parents en répétant toujours la même phrase. Puissent mes parents être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent mes parents être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent mes parents être en bonne santé, heureux et en paix. Puisse ma famille être en bonne santé, heureuse et en paix. Puisse ma famille être en bonne santé, heureuse et en paix. Puisse ma famille être en bonne santé, heureuse et en paix. Puisse mes proches être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent mes proches être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent mes proches être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent tous les êtres être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent tous les êtres être en bonne santé, heureux et en paix. Puissent tous les êtres être en bonne santé, heureux et en paix. Donc voilà, c'est seulement 15 phrases à prononcer le matin, tous les matins, afin de générer des pensées positives et de commencer la journée d'un bon pied, donc en générant des pensées positives vers soi-même et vers les autres. Je voulais encore juste signaler un détail, ce n'est pas la coutume de rayonner métta pour les personnes déjà décédées. Donc, par exemple, si vos parents sont déjà décédés, vous omettez simplement cette phrase-là. Si seulement votre père ou votre mère est en vie, vous ne rayonnez métta qu'à son intention seule. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on a progressé dans la pratique après une retraite de 15 jours qui demande beaucoup d'efforts? Donc, en tant que yogi, on ne devrait pas se soucier du progrès. On devrait se concentrer sur la prise de notes et la connaissance de l'objet à tout moment. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire pendant la pratique intensive. Mais cela mis à part, il y a de nombreuses façons d'envisager cette question. Le fait que les yogis sont ici, c'est un signe que cette pratique leur est bénéfique. Et d'une façon générale, il faudrait plutôt se poser la question de est-ce que cette pratique est utile plutôt que est-ce que je progresse. So anything else? If not, then oui. Do you understand? Good. Ok, on va continuer. Alors le temps passe. Donc je vais faire un petit speech à mon tour. Donc voilà, cette retraite, on est arrivé au terme de cette retraite et c'est un succès. Cette retraite est un succès. On l'a menée à son terme. Et donc je voudrais tout d'abord remercier Sayale. I'm first going to say it in French and then I will translate in English. Donc je voudrais d'abord remercier Sayale qui est fidèle au centre, qui maintenant vient depuis 2014. La première fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle était venue avec Utuzana, Sayado Utuzana, et elle avait donné son tout premier enseignement à ce moment-là sous les auspices. Utuzana était là, et moi d'ailleurs je traduisais pour la toute première fois aussi, et Utuzana veillait au bon déroulement de l'enseignement. Ensuite, en 2015, Sayali avait assumé la pré-retraite d'Utuzana. Et puis, à partir de 2017, elle a dirigé sa propre retraite en 2017, en 2018, et maintenant, voilà, en 2019, une retraite de 15 jours, donc plus longue que d'habitude. Donc évidemment, on espère que Sayali pourra revenir encore l'année prochaine. Et je voudrais aussi remercier Sayali parce que son enseignement est très précis. Ses damatoks sont, je dirais, ajustés aussi aux besoins des yogis. Elle donne des instructions très précises par rapport à la technique de la méditation. Par ailleurs, elle est très concernée, elle s'implique beaucoup pour le progrès des yogis, et elle leur donne des conseils spécifiques avec une grande variété, toute une gamme de solutions, je dirais, pour tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Par ailleurs, elle se montre aussi très flexible avec les yogis, ce qui est apprécié, je pense. Voilà, moi-même, en traduisant les Dhamma Talk et les interviews, j'ai appris beaucoup de choses qui peuvent m'être utiles également. Il faut signaler aussi que Sayali s'est rendu à Bruxelles jeudi passé et qu'il y avait 22 participants donc à son enseignement, donc beaucoup de monde. Donc je vais poursuivre en français. Cette retraite, évidemment, c'est aussi et avant tout sans doute un succès parce que il y a beaucoup de yogis qui y ont participé. Évidemment, c'est le cœur battant du centre. C'est les yogis qui pratiquent la méditation qui font vraiment l'effort de se confronter à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et la plupart des yogis, donc il y a eu 30 yogis au total, la plupart d'entre eux ont tenu leur engagement et sont restés jusqu'au bout en fournissant des efforts tous les jours, toutes les heures, en essayant d'être attentifs à chaque instant. Donc c'est évidemment l'essentiel dans ce centre de méditation. Alors il y avait plus de gens à la première semaine et un peu moins à la deuxième semaine. Il y avait aussi beaucoup de débutants pour cette retraite. Parfois, ils ne savaient pas très bien encore comment ils devaient se comporter dans la salle, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Alors, troisièmement, évidemment, on doit le succès de cette retraite à toutes les personnes qui ont aidé à son organisation, qui ont aidé quotidiennement à la cuisine ou pour l'intendance l'accueil des yogis. Donc on a eu de nouveau beaucoup de bénévoles, certains venus pour des courtes périodes, certains pour des périodes plus longues, par exemple comme Joseph ici qui est venu une bonne semaine, qui se consacre vraiment corps et âme à leur tâche. qui essaye de résoudre tous les problèmes de façon imaginative et d'améliorer le centre constamment. Bon, il y a beaucoup d'autres. Il y a Louis, évidemment, qui est très fidèle au groupe, avec Cornel, enfin, qui forme une bonne équipe. Bon, il y a Peter, il y a Linda, il y a les Birmans aussi qui nous soutiennent, et ça, on en est très content parce que ça fait le lien avec, avec l'Orient. Sandra, Kintida, qui ont fait le Bhojana Dana. Donc, on a eu 6 chefs, 4 petites mains, 4 intendants, 3 hôteliers qui se sont succédés. Et puis, on a les coordinateurs, Laurent, Christine, Claude, qui, évidemment, ont rendu tout ça possible. Et enfin, n'oublions pas maintenant Evie, qui est présente pour faire un film. Donc ça, on en est très content aussi, qui va permettre de promouvoir un peu le centre, de le faire connaître. Voilà. OK. Donc ça, c'est petit discours de clôture pour remercier tout le monde. Et à présent, on passe... on va offrir un dana à Sayalé pour la remercier de son aide. On ne reçoit pas d'aussi belles choses en Amérique, en tout cas pas aussi facilement. Tu es en bonne santé, heureuse et chaude grâce au dana. Pas très utile à Chicago. Donc les intentions, page 18. On va à présent réciter les intentions en pali. La plus importante ici, c'est le partage des mérites. Donc on va partager les mérites de cette retraite avec tous les êtres. Et Sayalé dit à ce sujet... I don't see page 8. Page 18, sorry. Okay. Page 18. Donc, where it says intentions. Yeah, intentions, page 18. Donc Sayalé dit que quand on accomplit des bonnes actions, comme on l'a fait à présent, que ce soit la générosité, que ce soit rendre service, que ce soit donner un enseignement, donner un damato, que ce soit observer la moralité, observer les préceptes, ou que ce soit pratiquer la méditation, donc bhavana en pali, la culture mentale, toutes ces bonnes actions nous gagnent des mérites. Et c'est un peu comme si on mettait, un peu comme si on recevait des intérêts à la banque. Et ces mérites, on peut les partager. Ils ont l'avantage de pouvoir être partagés sans que notre part à nous ne diminue en rien. Et c'est ce qu'on va faire à présent. On va donc partager les mérites, mais on va réciter en pali toutes les intentions, donc à la page 18. Donc Sayalé aimerait aussi à présent faire un petit don pour tout le monde. Elle a traduit un damato, un enseignement de Sayadaw Upandita, donc son maître. Il existe ici seulement en néerlandais et en anglais. Mais voilà, donc elle voudrait le donner. Donc si vous en voulez un, est-ce que vous pourriez venir par ici pour le... Sayalé va vous le donner alors.